Les pensionnaires, internes et externes, arrivèrent les uns après les autres, en se souhaitant mutuellement le bonjour et en se disant de ces riens qui constituent, chez certaines classes parisiennes, un esprit drôlatique dans lequel la bêtise entre comme élément principal et dont le mérite consiste particulièrement dans le geste ou la prononciation. Cette espèce d'argot varie continuellement. La plaisanterie, qui en est le principe, n'a jamais un mois d'existence. Un événement politique, un procès en cour d'assises, une chanson des rues, les farces d'un acteur, tout sert à entretenir ce jeu d'esprit, qui consiste surtout à prendre les idées et les mots comme des volants et à se les renvoyer sur des raquettes. La récente invention du diorama, qui portait l'illusion de l'optique à un plus haut degré que dans les panoramas, avait amené, dans quelques ateliers de peinture, la plaisanterie de parler en « rama », espèce de charge qu'un jeune peintre, habitué de la pension voquée, y avait inoculée. « Eh bien, monsieur Poiré, dit l'employé au muséum, comment va cette petite santé rama ?» Puis, sans attendre sa réponse, « Mesdames, vous avez du chagrin, dit-il à Madame Couture et à Victorine. « Allons-nous dîner ?» s'écria Horace Bianchon, un étudiant en médecine, ami de Rastignac. « Ma petite estomac est descendue ousque à talonnesse. »« Il fait un fameux froid-torama, » dit Vautrin. « Dérangez-vous donc, père Goriot. Que diable, votre pied prend toute la gueule du poil. »« Illustre monsieur Vautrin, » dit Bianchon. « Pourquoi dites-vous froid-torama ? Il y a une faute, c'est froid-dorama. »« Non, » dit l'employé du muséum, « c'est froid-torama. Par la règle, j'ai froid au pied. » Voilà son excellence le marquis de Rastignac, docteur en droit travers, s'écria Bianchon en saisissant Eugène par le cou et le serrant de manière à l'étouffer. Ohé, les autres, ohé !